Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Il est 22h, vous êtes à l'écoute de Prune et c'est l'heure de Boum Boum Mot. Cette semaine, au sommaire de la 198e de Boum Boum Mot, et oui, ça fait un bail, hein, suite et fin de la carte blanche que l'on a proposée au collectif Grits de Granville. Après Dimitri Sélectif la semaine dernière, c'est Dora Palmer qui passe derrière nos platines. Cette semaine, Dora Palmer qui co-organise notamment le festival Traversée Sonore à Granville. Granville, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est en Normandie. Et voilà, j'ai pas la météo par contre, désolé. Info exclue Boum Boum Mot. Et oui, on a des petites exclus de temps en temps à vous donner. La 5e édition de ce festival se tiendra face à la mer du 27 au 29 août prochain sur le site de la Villa Éole à Carole. Et oui, vous avez bien entendu, on parle de festival et on est bien en 2021. C'est pas beau ça ? Dora Palmer, donc, qui est digger et DJ, largement influencée par les musiques des années 80 et 90, mais qui a largement débordé vers des sonorités encore plus récentes pour cette 198e émission. Merci Dimitri Sélectif, merci Dora Palmer, merci Grits. Et je vous laisse en compagnie donc de Dora Palmer pour ce mix que je découvre en même temps que vous, et je vous dis à très vite. Ciao les petits loups. C'était en 1998, bien avant que tu ne mettes ma tête dans ce seau rempli d'alcool. Et qu'à un moment, en tentant de respirer, tout cet alcool pur entra par mes narines et remonta jusqu'à mon cerveau. Oh, oh, oh. Qu'avais-je fait pour mériter cet amour? jusqu'à mes derniers jours. Thank you. elle repose au milieu du jardin. Affolée par mille et un parfums, son esprit déambule au-dessus des jasmins. Pivot de roses, pourpres et carmin, parle de senteurs et ses restes la peur qui viendront alléger nos âmes et nos cœurs. We'll be right back. L'amour et la mort. De l'amour. Vous en demandez encore? Eh bien,

un samedi prochain, Chantal. Elle s'est maquillée, elle est prête à sortir. Elle va danser toute la nuit et rentrer avec un mec paumé. À samedi prochain, Chantal. Toute la nuit de rentrer avec un mec paumé à samedi prochain, Chantal. impossible, impossible de jouer la comédie dans les semaines qui suivaient. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais m'enliser, m'embourber dans des pensées négatives, et que de toute manière, ça ne changerait rien. Il fallait que je travaille, j'aurais pleuré comme soir. Le fait de travailler m'empêchait de vivre. Je ne pouvais pas pleurer. Donc, je pensais à autre chose. Thank you. la musique m'appelle et me donne des ailes, des formes. Siénteme. Te necesito. j'ai écrit ton code postal sur mon épaule à l'encre bleue. J'ai dessiné avec du sable le contour pâle de tes yeux. Cauchemar bizarre, l'amour au hasard. Cauchemar bizarre. bébé, donne-moi ta main ce soir et mets-la bien au chaud. Quelque part dans mon dos, sur mon ventre et dans ma cuisse. Oh, tu pleures quand t'as plus d'argent. Mais viens avec moi, on va tout voler. Tous les sirops contre la toux, tous les shampoings pour tes cheveux. Yeah.